La nuit roule en plein phare. Vous nous regardez derrière l'œil aujourd'hui. Les livres s'ajoutent au vide et le silence aux méditations de l'air. Cette chambre est un sanctuaire oublié, disparu dans les formes obscures du temps. Rien ne vient déjouer cette mer étale et vibrante, cette mer sans horizon qui me traverse et s'agenouille devant mon sang. Je sais que des feux vont venir, des feux au-delà du feu, sans trace et plus inquiétant que les bûchers. Car derrière nos spectres familiers, convenus, il y a d'autres spectres, informulables, sans raison, autonomes, capables de rivaliser avec nos plus grandes absences et forts de leur incertitude à exister. Feux et spectres s'allieront au désastre. D'ailleurs, ce verre hanté de vin noir que je porte à mes lèvres, ce verre, ce n'est pas moi qui le porte, c'est le vin. Il y a toujours d'autres corps qui se métamorphosent en moi, dans des arrivées déchirantes, jusqu'au cœur privé de sang. Le temps se dessèche, je n'atteins plus mes mains. Ce sont des virages sans route, des frôlements qui repartent à l'origine, des enlèvements de l'âme jusqu'au dernier fil.